À l'occasion du 72e anniversaire de la fondation du Parti du Travail de Corée, les membres des représentations du Programme des Nations Unies pour le Développement, de l'Organisation Mondiale de la Santé, du Programme Mondial de l'Alimentation et de l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture en Corée ont déposé le 5 octobre les corbeilles de fleurs devant les statues en bronze du président Kim Il-sung et du général Kim Jong-il érigées sur la colline Mansu avant de leur rendre hommage.